Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Avec grand plaisir qu'on accueille Benjamin Saint-Just. Qui est Benjamin Saint-Just? Ben, il joue pour les Golden Gophers du Minnesota dans la NCAA. Les Golden Gophers qui ont vraiment été, qui ont fait une très très belle année. Et on le rejoint au Minnesota. Salut, salut Benjamin. Salut, salut. Et je suis avec évidemment le meilleur chroniqueur de la NCAA au Québec. On peut le dire sans se tromper. Wallet, salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je vais commencer avec ma première question, Benjamin. Est-ce que tu es satisfait dans l'ensemble de ta saison avec les Golden Gophers? Oui, je suis très satisfait. Quand je suis arrivé quand même assez tard durant la saison, quand j'ai transféré l'Université du Michigan, je suis arrivé ici au fin juin. Donc j'avais pas des attentes. Je m'attendais pas à une saison qui allait être incroyable comme ça, justement parce que c'est la première fois que les Golden Gophers finissent avec 10 victoires et 2 défaites depuis 1904. Hey. Donc c'était quelque chose que je m'attendais pas, mais que je suis très content du succès qu'on a eu, puis on était très proche d'en avoir encore beaucoup plus avec une autre victoire, mais le fait qu'on a pu finir la saison régulière à 10-2, moi je suis très content de ça. Voilà. Ouais, ben ça, moi je te ferai pas de cachette, là, Benjamin. Là. Quand vous avez affronté Wisconsin là, à la fin novembre, beaucoup de fans là, ont été déçus là, de vous voir perdre. Là. Je pense que mon Twitter a explosé. Là. Vous étiez l'équipe un peu Cendrillon en 2019, puis tout le monde s'était comme rallié derrière vous. Là. Beaucoup de gens, coach PJ Fleck. Votre ligne offensive là, qui est gigantesque, beaucoup de fans là, aimaient voir là, ce qu'on voyait de votre offensive. Peux-tu un peu nous décrire l'expérience de comment que ça s'est passé là, quand que College Game Day sont débarqués sur votre campus, puis à quel point ce match-là était important pour le programme puis la visibilité du programme là, contre Wisconsin? Oui, ben en fait, c'était un gros match. On jouait justement, c'est une rivalité entre Wisconsin. Ouais. Et le fait qu'on était deux équipes dans le top 15 du College Football Playoff a amené beaucoup plus d'importance et plus de visibilité à cette partie-là. C'est une rivalité qui date de 100 quelques années pour le Paul Bunyan Axe. Donc, il y avait la rivalité, le dernier match de la saison à la maison. On compétitionnait pour une place dans le Rose Bowl et puis dans les playoffs pour le Big Ten Championship aussi. College Game Day est venu pour la première fois pour la première fois dans leur histoire à Minneapolis. Et ce qui était aussi qui était intéressant, c'est que PJ Fleck, quand PJ Fleck était à Western Michigan, a amené College Game Day à Western Michigan pour la première fois. Et puis là, il l'a fait encore pour la première fois à Minneapolis, qui est quelque chose d'incroyable pour nos fans et tout ça. Parce que justement, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y en avait pas eu une saison qui était incroyable. Que justement, ouais, tous les fans qui étaient des fans depuis 50-60 ans sont tous ressortis avec leur vêtements à Minnesota. Ils sont venus, ils ont acheté leurs billets, puis ils sont venus nous voir, nous supporter, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu une expérience comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros pour l'État du Minnesota. OK, on va y aller. Je vais y aller avec ma question maintenant. T'as transféré, t'étais avec les Wolverines avant, t'es rendu avec les Golden Gophers. Est-ce que vraiment, là, c'est très, très positif comme expérience, mais la différence, est-ce que ça a été long à t'acclimater avec les Golden Gophers? Non, je suis vraiment... Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que non. Okay. Je m'attendais à avoir une transition quand même assez difficile, changer de programme, d'aller dans un autre Big Ten, une autre école Big Ten, puis t'es arrivé quand même assez tard. Je suis arrivé... durant le milieu de l'été. Mais non, pour eux, ils ont fait une super job, PJ Fleck, tout le coaching staff, puis mes coéquipiers ont fait une super job de bien m'accueillir, puis m'aider dans ma transition avec les Golden Gophers. Donc, ça a été très facile. J'ai eu que du fun depuis que je suis arrivé ici. OK. Wallet? Ouais, mais c'est ça, quand on va parler justement de ton transfert, là, moi je me rappelle avoir suivi ça là, au printemps dernier, là. On ne sera pas de cachette, là, c'est vraiment le coordinateur défensif de l'équipe, là, Joe Rossi, qui a engagé là, toutes les conversations avec toi. Est-ce que Minnesota était la seule équipe qui t'ont montré de l'intérêt? Puis si c'est le cas, s'il y avait d'autres équipes, pardon, pourquoi est-ce que tu as choisi Minnesota avant d'autres équipes? J'avais trois équipes qui m'ont donné beaucoup d'attention quand je suis allé dans le portail de transfert. J'avais SMU, qui était au Texas, et puis j'avais l'université de Houston. Ah, OK. Mais Minnesota, quand je suis allé faire ma visite avec mon père, j'ai senti que c'était vrai, c'était comment on peut dire ça... Tout ce qui était dit par coach PJ Fleck ou coach Rossi, c'était la vérité. Puis je savais parce que tu sais, j'ai déjà passé par ce processus de recrutement avec Michigan, tout ça. Donc je sais qu'est-ce qui est vrai, je sais qu'est-ce qui est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé quand je suis défendu. Puis j'ai pu savoir qu'est-ce qui était vrai, puis qu'est-ce qu'ils voulaient de moi, puis qu'est-ce qu'ils attendaient, puis les installations, l'école, puis aussi c'est le fait que c'est une école qui est dans la même division, qui est dans le Big Ten, donc j'ai pas, si c'est la transition, le changement est pas si gros, donc j'ai vraiment aimé ma visite ici, c'est pour ça que j'ai décidé de commettre assez vite. Benjamin, est-ce que tu penses que le fait que Minnesota a gagné, c'est souvent ça, hein, c'est le recrutement, là, c'est quand t'as une bonne saison par la suite, c'est plus facile de faire du recrutement. Est-ce que tu penses qu'avec les Golden Gophers, vont avoir plus de facilité à recruter? Parce que dans votre division, c'est souvent Ohio State, c'est souvent Michigan, c'est Penn State également. Là, vous avez passé proche de d'aller au Rose Bowl. Fait que ça doit être plus facile de recruter. Ah, c'est sûr. Ça, on avait tout. Qu'est-ce qu'on a? On avait tout. Les autres aspects que les autres équipes avaient en termes d'éducation, de comment on peut dire ça, d'installation, de terrain, d'équipement, d'argent, tout ça. Qu'est-ce qui manquait, c'était vraiment justement les victoires, puis les faire partie des grosses parties, faire jouer dans des gros bowls comme le Outback Bowl, le Rose Bowl, avoir college, tous ces genres de trucs là. Amène un peu plus de spot, de popularité vers un spot, ce qui attire en fait à la fin les nouvelles recrues qui ont envie de jouer pour ça. Puis en plus, là, les gens savent que PJ Fleck est un bon coach, qui a gagné plein de prix cette année, qui a été nommé pour plein de prix. Puis ils savent maintenant que justement c'est vrai. Il y avait toujours une question de savoir est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il coach, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est vraiment un bon coach, est-ce que c'est vraiment une bonne équipe. Puis je pense que là, cette année, ça a solidifié ces questions-là. Et puis l'année prochaine, ça va vraiment aider les prochaines années du programme à avoir des meilleurs recrutements. Wallet? Ouais, mais c'est ça, je suis content que tu aies parlé du recrutement, tu aies parlé de où est-ce que vous êtes en ce moment, puis justement du Outback Bowl. Moi, je le dis souvent, là, je trouve que dans le malheureusement, dans le college football, il y a un gros SEC bias. En début de saison, on voit souvent les équipes du SEC qui sont classées très haut dans le top 25. Puis là, vous avez une chance d'aller vous frotter contre la 12e équipe au pays, Auburn. On le sait, vous avez une jeune équipe à Minnesota, beaucoup de joueurs qui vont revenir l'an prochain. Quelle sorte de préparation là, vous avez pour ce match-là, puis est-ce que le match est important à vos yeux? Parce que j'en parlais justement avec des amis plus tôt cette semaine, puis je leur disais, s'il fallait qu'une équipe comme Minnesota remporte un match contre Auburn, avec la qualité de l'entraîneur, la qualité du programme, la qualité de l'année qu'ils ont eu en 2019, c'est une équipe qui pourrait être classée haute en début de saison 2020, puis ça pourrait clairement aider le programme à aller dans une direction plus positive, là. Ah ouais, c'est sûr. C'est en effet, on prend des préparations en ce moment très sérieusement. C'est quelque chose qui pourrait justement, là, je pense la dernière fois qu'on est allé, que le Minnesota justement est allé en Outback Bowl, c'est dans 1960 ou quelque chose. Ouf. Okay. Gagner, surtout la rivalité Big Ten SEC, qui est beaucoup de talk puis de conversations comme quoi la SEC est la meilleure division et tout ça. Donc aller chercher une victoire contre Auburn dans un gros bowl game le 1er janvier, pour nous, va vraiment changer, va vraiment avoir un impact positif pour le programme, puis notre division. Puis en plus, comme tu as dit, ça va nous mettre dans une bonne position pour commencer classé au début de la saison, comparé à cette année quand on a commencé pas classé. OK. Benjamin, est-ce que justement tu parles de l'importance de jouer dans un gros bowl? C'est plus payant pour l'université, hein? J'imagine que pour jouer au Outback Bowl, c'est pas le... Well, là, tu me corriges, je me trompe. C'est un bon bowl payant, mais c'est pas le plus payant, mais c'est quand même assez payant. C'est ça, Wallet, à peu près? En fait, de l'or, là. Les gens qui... Je pense que c'est 1,6 million. Là, par université. Donc, j'imagine que toute l'université... Parce que les Golden Gophers sont très forts au hockey, au basket, c'est très moyen. Donc, j'imagine que c'est toute l'université des Golden Gophers qui vont bénéficier de votre présence au Outback Bowl. Oui, en effet. Ouais, à chaque fois que l'école est représentée dans n'importe quel bowl game... Ouais. Ça amène de la popularité, ça amène un spotlight, ça amène beaucoup d'argent à l'école qui peut se représenter, l'école à ce bowl game-là. OK. Wallet? Ouais, puis je viens de faire mes recherches, là, c'est en réalité, c'est 6,4 millions. Ouais, c'est ça. Parce que les chiffres ont monté pas mal depuis la dernière fois que j'avais regardé ça. Après, une question que j'avais pour toi, Benjamin, là, puis il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ça année après année parce que je fais un peu des chroniques là, sur les joueurs à surveiller dans le college football américain. Est-ce que tu as un message ou peux-tu nous expliquer un peu pour les jeunes fans qui nous écoutent, là, comment est-ce que tu as fait la transition pour te retrouver à ton camp d'évaluation en Albanie, à New York en 2015, où justement tu as reçu ton invitation pour joindre l'Université de Michigan? Est-ce que tu as été invité à ce camp-là ou c'est un camp que tu t'étais tout simplement inscrit? Peux-tu un peu nous parler là, de ce déroulement-là? Oui, mais dans le fond, moi j'ai fait pas mal le même cheminement que n'importe quel... jeune athlète qui veut s'essayer. C'était vraiment, pour moi, au début, c'était pas vraiment d'aller chercher une bourse complète dans la NCAA. C'était vraiment juste de tester mes habiletés en tant que joueur de football contre les Américains. Puisque, tu sais, quand on est jeune Québécois, c'est toujours les Américains sont bons à ça. Je dis pas, je vais aller voir qu'est-ce qui a commencé, puis comment je me compare aux autres. Donc, je me suis inscrit. Puis, c'est mes parents qui m'ont conduit à justement Albany, qui était mon premier camp. Puis j'ai bien fait là, j'ai eu le MVP. Puis après ça, j'ai vu aussi que proche dans les alentours du Québec, il y avait justement le camp de Michigan qui était là, qui était 4 jours. Donc je me suis inscrit, je suis allé là avec un autre de mes coéquipiers du Cégep du Vieux-Montréal. Puis ça s'est donné que mes performances, j'ai super bien fait. Puis j'ai eu la bourse, mais c'était pas d'avoir la bourse, c'était juste de me comparer puis de voir comment c'était. OK. De jouer contre les Américains. Puis après ça, quand j'ai eu la bourse, ben là, ça a été un peu plus. Un peu plus sérieusement. Je me suis inscrit à des camps comme le camp Nike, The Opening, le camp Under Armour, Rivals, ça, pour vraiment là, aller chercher, disons, mes étoiles, mon classement, ma popularité. Et puis, ouais, c'est ça. Mon enfant, c'est vraiment, moi, comment j'ai commencé, j'ai juste décidé de m'inscrire à des camps comme ça et d'aller me faire voir justement par les coachs de ces écoles-là. Ta saison 2019, personnellement, là, on a parlé beaucoup, beaucoup des Golden Gophers jusqu'à maintenant, là, parce que c'est l'histoire, c'est une histoire presque Cendrillon. Est-ce que tu as qualifié de comment? Es-tu content? T'aurais-tu voulu plus? Personnellement parlant. Moi, je suis vraiment content. OK. Je suis arrivé ici, comme je te dis, je suis arrivé tard ici. Ça faisait un an et demi que j'avais pas joué au football. J'étais blessé à faire de la réhabilitation, du traitement. J'avais aucune vraiment attente en tant que de devenir un starter. J'étais seulement content, puis j'étais honoré de pouvoir avoir une deuxième chance de jouer encore. Puis ça, c'est la dernière que mon travail m'a donné la chance d'être un starter pour Minnesota. Okay. Mais je suis content de qu'est-ce que j'ai comme je te dis, il y a un an j'ai dû rater toute la saison parce que j'étais blessé, puis cette année j'ai une belle saison aussi, donc okay. Ouais. Dernière question, on va y aller chacun une dernière question. Wallet, vas-y avec ta dernière question, puis moi je vais en avoir une. Puis ouais, mais ça, je veux savoir, c'est quoi la prochaine étape là, pour toi? Là, on sait là, que ton parcours universitaire, il achève après l'Outback Bowl. Est-ce que tu as reçu une invitation pour le Combine ou tu vas seulement te concentrer sur le Pro Day de ton équipe? C'est quoi là, qui attend le Benjamin Saint-Just là, pour les prochains mois? En effet, j'ai une autre saison avec Minnesota. Ah, okay. Ouais, j'étais un junior cette année, donc l'année prochaine, ça va être ma dernière année, senior year. Parce que sur le site d'ESPN, ils te classent comme un senior, mais étant donné que tu es un gradué, tu peux jouer la dernière saison, c'est ça? Ouais. Et j'ai une autre saison avec Minnesota. OK. Comment tu te vois? Est-ce que la Ligue canadienne est une option pour Benjamin Saint-Just? Je te dirais oui, c'est sûr. Ben oui, okay. C'est jouer au football, que ce soit NFL, CFL, n'importe où, c'est toujours été quelque chose que j'aime à faire. Donc, c'est sûr que je vais en visionner ça quand je vais avoir fini ma dernière saison, de voir quelles sont mes chances d'aller jouer CFL ou NFL. OK. Ben, Wallet, donc on va te remercier, Benjamin. Wallet, tu as peut-être quelque chose à ajouter en terminant? Non, je te remercie Benjamin, je suis vraiment content d'avoir pris la chance de te parler, de te connaître un peu plus, puis on va te souhaiter bonne chance au Outback Bowl, puis je vais laisser le mot de la fin à Danny. Ben Benjamin, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le 1er janvier contre Auburn. C'est pas rien, là, Auburn, c'est une des grosses universités, c'est le SEC, c'est une des bonnes universités aux États-Unis, puis on va avoir l'occasion de se parler. Je pense que le match est à ESPN, donc présenté à TSN ici au Canada, donc on va te souhaiter la meilleure des chances pour le 1er janvier. C'est bon, merci beaucoup. Benjamin Saint-Just, des Golden Gophers du Minnesota.